Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Edupop Debout pour cette invitation. Donc, je vais vous parler de l'expérience zapatiste au Chiapas, dans le sud du Mexique. Et donc, je vais essayer de me limiter aux 20 minutes et donc simplement quelques remarques pour lancer la discussion et l'échange de questions et de commentaires. Alors, je vais essayer de parler un peu plus du zapatisme comme d'une expérience en cours, c'est-à-dire pas comme quelque chose d'historique, même si évidemment cette dimension serait absolument fondamentale pour comprendre la situation et le point auquel en sont arrivés les zapatistes aujourd'hui. Il faudrait revenir à 1994, à donc ce Ya Basta. Donc ça suffit, qui a été un des premiers moments de résistance ouverte à l'hégémonie néolibérale, aux étapes suivantes du zapatisme et aussi même à toute la partie antérieure de préparation du soulèvement armé de 1994. Mais donc je voudrais parler du zapatisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'expérience zapatiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut représenter comme point de réflexion, comme appui pour notre réflexion aussi à nous tous, ici et ailleurs dans le monde. Alors pour dire qu'est-ce que c'est le zapatisme aujourd'hui, on pourrait parler d'abord de la série d'initiatives que les zapatistes prennent année après année. Par exemple, cette année même, 2016, ils organisent deux rencontres internationales au Chiapas, l'une qui est consacrée à la question des arts, et une autre en décembre à la question des sciences, ce qui peut paraître comme un pas de côté un peu surprenant par rapport aux questions les plus directement politiques, mais ils partagent cette idée que cette question des arts et des sciences sont deux domaines absolument fondamentaux pour réfléchir au monde différent que nous souhaitons. L'année dernière, également, ils ont organisé une rencontre internationale qui a duré une dizaine de jours et qui s'intitulait L'hydre capitaliste, plus exactement la pensée critique face à l'hydre capitaliste, et qui a donné lieu à la publication de trois volumes, celui-ci n'étant que le premier, avec les contributions des zapatistes eux-mêmes. Et ce livre sera traduit en français à l'automne. Des initiatives récentes, vous voyez, il y en a chaque année. Les années antérieures, c'était ce qu'ils ont appelé la petite école, l'escuelita, à l'occasion de laquelle ils ont permis à près de 6 000 personnes de venir dans les villages zapatistes au Chiapas, séjourner avec les familles zapatistes et découvrir avec eux ce qu'est leur quotidien et ce qu'est leur expérience de construction d'une autre réalité qu'ils appellent l'autonomie. Et à cette occasion, ils ont rédigé quatre fascicules comme ça qui ont été la base de la réflexion, des échanges et de ce qu'ils ont souhaité transmettre à ceux qui sont allés au Chiapas et qui ont à cette occasion découvert la façon dont les choses se passent dans les communautés zapatistes du Chiapas. Donc, à l'occasion donc de cette petite école, ils ont fait exactement le bilan de 20 ans de construction d'une réalité alternative que eux nomment l'autonomie. Donc, qu'est-ce que c'est le zapatisme en deux mots aujourd'hui? C'est effectivement une expérience alternative, rebelle, radicale, de construction d'une autre réalité collective, qui défie l'ordre politique mexicain, qui défie l'ordre économique mondial et qui dure depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre de pratique collective de par le monde et en plus sur une extension territoriale qui est limitée mais malgré tout assez conséquente. Puisqu'elle concerne un territoire qui est à peu près l'équivalent de la Belgique, et sur une durée en temps qui est quand même relativement considérable, et qui, tout au long de ces 2 décennies, a su faire preuve à la fois d'une capacité de résistance évidemment considérable, mais aussi d'une capacité d'invention et de créativité politique, de renouvellement permanent pour précisément pouvoir à la fois tenir et avancer dans cette construction. Donc en deux mots, c'est l'une des utopies réelles les plus remarquables qui existent aujourd'hui et qui devraient pouvoir constituer un point d'appui pour notre réflexion dans d'autres contextes et en particulier dans le nôtre ici et maintenant. Alors quand eux parlent de ce que c'est que leur expérience, eh bien effectivement, ils nous décrivent la manière dont ils s'organisent dans l'autonomie et donc en quoi consiste l'autonomie. Ils l'expliquent eux-mêmes dans ces petits cahiers et donc je ne fais que vous transmettre un petit peu leurs propres paroles et aussi l'expérience qu'on peut en avoir quand on les côtoie et qu'on partage un peu le quotidien avec eux. Donc c'est la construction d'instances d'autogouvernement à différents niveaux, c'est relativement compliqué, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut y revenir évidemment dans les questions. Donc des instances d'autogouvernement au niveau de la communauté, c'est-à-dire au niveau des villages, au niveau des communes autonomes et au niveau des conseils de bon gouvernement. Il y en a 5 au Chiapas, dans les territoires zapatistes, qui coordonnent la vie et les activités de ces communes autonomes. Donc dans toutes ces instances politiques d'autogouvernement, il y a donc des charges, des personnes qui occupent des charges qui sont évidemment électives, qui sont non rémunérées, qui sont révocables à tout moment, qui sont exercées collectivement et en interaction permanente avec des assemblées à différents niveaux, au niveau des communautés, au niveau des communes et au niveau des régions dont s'occupent également les conseils de bon gouvernement. Donc voilà, il y a toute une organisation politique alternative, totalement en marge évidemment des institutions mexicaines, officielles, qui s'est mise en place peu à peu et qui d'ailleurs continue à évoluer puisqu'il n'y a pas de cadre, on n'a pas, les zapatistes n'ont pas élaboré de constitution zapatiste et donc c'est cette pratique politique alternative se construit et se transforme elle-même à son propre rythme. Ils ont également établi un système de justice autonome, donc ils rendent la justice, ils traitent les questions de délits, d'infractions aux règles qu'ils ont eux-mêmes élaborées, système qui fonctionne là aussi tout à fait en marge, absolument à côté et en dehors du système de justice officiel au Mexique. Ils ont élaboré un système propre, autonome d'éducation, donc ils ont construit de toutes pièces leur propre système d'éducation, d'école primaire et secondaire. Là aussi, on peut revenir dans les questions, détailler un petit peu cette organisation. Et ils ont construit aussi leur propre système de santé. C'est-à-dire donc que toutes les dimensions principales de l'organisation collective, donc politique, justice, éducation, santé, production aussi, je vais y venir, sont pris en charge de manière spécifique dans le cadre de cette construction de l'autonomie. Alors, plutôt que de continuer à décrire en détail comment fonctionne ce système, encore une fois, on peut y revenir dans les questions, le principe même, parce qu'évidemment, il y a cette pratique, mais cette pratique, elle donne lieu aussi à une réflexion politique sur autour de cette notion que eux ont choisi pour synthétiser leur expérience et qui est celle d'autonomie. Donc le principe même de cette idée de l'autonomie, il a été à mon avis parfaitement résumé par l'une des zapatistes en charge de la petite école de l'Escuelita Zapatiste dont je parlais au début, donc la maestra Eloisa, qui nous a expliqué ceci, entre autres choses bien sûr, qui nous a expliqué le principe même de toute cette pratique, c'est le fait que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes. Donc, au lieu de déléguer cette capacité à à des instances autres et extérieures, eh bien, ils assument même cette capacité à nous gouverner nous-mêmes. Et en fait, ce qu'elle a dit très exactement, elle a dit « ils ont peur que nous découvrions que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes ». Et ça, évidemment, ce « il », c'est la classe politique, en l'occurrence mexicaine, mais ça peut s'étendre peut-être à d'autres contextes. Évidemment, si on prend conscience de cette capacité à nous gouverner nous-mêmes, à nous organiser nous-mêmes, eh bien, c'est mettre au chômage définitif toute la classe politique et tous ceux qui prétendent se faire les experts de la chose publique. Donc le principe même de l'idée d'autonomie, c'est la déspécialisation de la politique, c'est le fait de prendre en main nous-mêmes, nous tous, nous les gens ordinaires que nous sommes, les tâches d'organisation collective. Et d'une certaine manière, c'est donc mettre en place des formes politiques non étatiques. Donc voilà, à mon avis, le sens de cette notion d'autonomie telle que la mettent en pratique les zapatistes. Alors, il reste 5 minutes. Mais l'autonomie, c'est pas seulement cette question de l'organisation politique, c'est évidemment d'abord le fait de défendre et de faire vivre les formes de vie qui sont celles que les gens ont choisies. Pour les zapatistes, ces formes de vie, elles se définissent par l'organisation de la communauté, hein, donc des villages, qui ont effectivement, dans la tradition indienne, puisqu'on est dans des régions totalement indiennes, mayas du sud du Mexique, donc des pratiques communautaires qui tiennent essentiellement à la possession collective des terres et à des capacités d'organisation collective, de réalisation de travail collectif et de prise de décision en assemblée. Ce qui, d'une certaine manière, fait une petite différence avec le contexte qui est le nôtre, mais il semble qu'ici aussi, on est peut-être capable de récupérer la capacité à prendre des décisions en assemblée. La forme de vie à laquelle ils tiennent, évidemment, et ça, c'est aussi un contexte un peu différent de notre contexte urbain ici et maintenant, mais à l'échelle planétaire, c'est quelque chose de fondamental, c'est la défense de... Ah oui, je bouge trop. C'est la défense d'une agriculture paysanne. Alors, il faut vraiment très très près, c'est bien, c'est mieux comme ça. Donc d'une agriculture paysanne. Alors c'est facile à dire, mais dans le contexte dominant à l'échelle planétaire et spécifiquement au Mexique, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire résister quotidiennement et de manière permanente à l'imposition des politiques néolibérales dont un des objectifs fondamentaux est de détruire les formes d'agriculture paysanne en détruisant, alors par exemple spécifiquement au Mexique, les formes de propriété collective de la terre, hein, les terres communales ou ejidales, comme on les appelle au Mexique, qui sont effectivement une aberration à l'échelle mondiale que des choses comme ça existent encore dans un pays important de la planète. C'est quelque chose qui est absolument aberrant du point de vue des logiques néolibérales et ils se sont évidemment employés depuis déjà 1992, c'est la date de la réforme constitutionnelle à cet égard, dû au président de l'époque Carlos Salinas de Gortari, mais bon, ils n'ont pas encore tout à fait réussi à... Et donc, ça veut dire un combat fondamental, c'est pour réussir à sauver les terres ejidales, les terres communales, contre tous les mécanismes qui ont été prévus par les lois pour les détruire peu à peu. C'est résister à l'implantation de monocultures commerciales qui se développent par ailleurs dans tout le Mexique et notamment au Chiapas. Donc tout ça, encore une fois, c'est facile à dire, mais ça suppose des luttes vraiment extrêmement importantes. Et c'est des luttes aussi contre les grands projets qui se développent au Mexique, au Chiapas comme ailleurs, contre les barrages hydrauliques, les mines, les projets autoroutiers, touristiques, etc. etc. Voilà, donc tout ça, ce sont des luttes territoriales concrètes, multiples et permanentes au Chiapas comme au Mexique de manière générale. Alors donc défendre cette agriculture, cette pratique paysanne, mais aussi la revitaliser, la développer. Alors, évidemment, pas dans une manière autarcique, puisque aussi, un point très important pour les apatistes, c'est la culture du café, qui est évidemment une culture commerciale, qui est ce qui leur procure disons, des rentrées en argent essentielles dont ils ont besoin, parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas totalement sortis du système capitaliste environnant, et donc on a encore besoin d'argent, disent-ils, et évidemment, ils ont raison. Ils ont raison sur ce point. Revitaliser aussi parce que c'est la question des terres récupérées. Donc, au lendemain du soulèvement armé de 1994, des centaines de milliers d'hectares, ou des dizaines de milliers d'hectares en tout cas, ont été récupérés par les paysans apatistes, par des non-apatistes aussi qui en ont profité. Et c'est tant mieux. Et donc, ces terres récupérées sont évidemment fondamentales pour eux, ils le disent de manière très claire, c'est la base matérielle de l'autonomie, tout ce qui est construit, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure en termes d'organisation politique, d'éducation, de santé, ne serait pas possible sans cette récupération des terres. Et là, les apatistes nous font remarquer, vous souvenez, dans le temps, on disait qu'un point fondamental, c'était peut-être de récupérer les moyens de production. Et ça paraît un peu désuet, mais faut peut-être quand même y réfléchir à nouveau. Et les apatistes, ils se disent, en cette matière, nous, on a fait notre part, on a récupéré les moyens de production qui, pour nous, sont fondamentalement la terre. Et là-dessus, donc, des familles peuvent vivre et surtout, on peut développer des formes de travail collectif qui sont la manière de faire vivre l'autonomie. Et donc, le dernier point que je voudrais dire, c'est que, justement, Et ça, c'est un point aussi auquel on peut réfléchir. Donc, comment fonctionne tout ce système d'autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure? Eh bien, il fonctionne sans recours à la forme salaire et de manière très largement démonétarisée, donc sans recours à l'argent. Comment? Par exemple, tous les enseignants qui œuvrent dans le système autonome d'éducation, ils ne perçoivent pas de salaire. Leurs besoins matériels sont pris en charge par la communauté dans laquelle ils travaillent et pour les enfants desquels ils travaillent. Donc soit qu'on leur fournit ce dont ils ont besoin, soit que les gens de la communauté travaillent leur terre dans le cas où ils en ont, et considérant que puisqu'ils sont occupés avec les enfants de la communauté, et ils ne peuvent pas travailler leur terre, mais la communauté donc prend en charge ce besoin en travail. Pour ce qui est du système de santé, c'est un peu plus compliqué, mais c'est justement le travail collectif sur les terres récupérées qui permet de financer en quelque sorte l'activité de ceux qui travaillent dans ce système de santé, et de même pour toutes les autres nécessités matérielles des gouvernements autonomes et de la justice autonome, puisque il y a un peu de frais, il y a des besoins qui sont manifestés par ceux qui assument ces charges, et donc c'est grâce au travail collectif que l'on répond à ces nécessités, donc du fonctionnement de l'autonomie, mais tout ça donc sans recourir au salaire et sans passer par l'argent. Donc il y a une forme d'organisation collective qui est possible en dehors des logiques de l'argent et des logiques marchandes. Donc voilà en gros l'introduction que je voulais faire avant de répondre éventuellement d'ouvrir la discussion sur cette expérience. Donc simplement pour résumer, il y a deux domaines dans lesquels ils réussissent à avancer. Dans cette idée de faire par nous-mêmes et donc de chercher des voies qui ne sont pas celles de la dépossession étatique et marchande. Donc d'un côté, inventer en permanence des formes politiques non étatiques et par ailleurs faire vivre des formes de vie que les Indiens d'Amérique latine appellent volontiers el buen vivir, le bien vivre, ou la vie digne, qui est ce à quoi ils tiennent, ce qu'ils veulent défendre, ce qu'ils veulent faire prospérer. Pour ça, il s'agit de développer des formes d'organisation non marchandes et qui à la fois permettent de de repousser les formes de domination marchande et de développer des formes propres d'organisation non marchande. Voilà. Merci pour cette intervention. Bah, du coup, on va laisser la place aux questions, aux réactions. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer ? Des questions ? Non, personne ? On attend un peu. Oui, c'est vraiment intéressant parce que tu as fait de temps en temps des ponts, notamment sur, par exemple, les moyens de récupérer la terre qui pourrait la production et le rapprocher d'anciennes luttes et mots d'ordre, hein, et qui sont encore opérants aujourd'hui, c'est pas désuet du tout, hein, qui sont récupérer les moyens de production. Alors on a trouvé, nous, d'autres méthodes pour l'instant, qui peuvent être les coopératives, etc. Il y a une qui a vraiment réussi près de Marseille pour les thés, les tisanes, je sais plus le nom, enfin, qui est... Fralib. Bon, et puis il y en a plein d'autres. Donc, ces ponts sont intéressants et je me demandais si les apatistes regardaient en dehors du Chiapas, en dehors du Mexique, et attendaient ou espéraient, voire avaient besoin peut-être, pour qu'eux puissent continuer à prospérer, que dans le monde... on avance vers ce type, enfin, sans les prendre pour modèle, mais se mettre en marge du capitaliste et inventer nous-mêmes dans des pays riches et urbains, donc c'est quand même autre chose qui reste à inventer, mais inspiré par eux pour combattre au niveau mondial le capitalisme. Et voilà, c'était ma question, juste rappeler quand même que quand ils ont fait leur révolution, 1er janvier 1994, c'était au moment des accords, la signature des accords de l'ALENA, si je me souviens bien, tu diras si je me trompe, et nous en ce moment en Europe et en France, nous sommes au moment des accords TAFTA, CETA, etc. Et que c'était pas par hasard non plus qu'ils se sont soulevés de manière militaire au départ, hein, avec les armes à ce moment-là. Tu veux répondre ? Oui, donc comme j'ai pas du tout, je suis pas revenu du tout sur l'histoire du mouvement. Effectivement, le 1er janvier 94, c'est la date d'entrée en vigueur du traité de libre commerce de l'Amérique du Nord. Et donc effectivement, c'est pas un hasard. Et c'est aussi pourquoi donc cette date a eu, enfin ce soulèvement a eu un écho planétaire à l'époque. D'abord le fait de le yabasta, ça suffit. Voilà, c'est tout. Ce qui peut nous mouvoir, ce qui peut nous faire avancer et agglutiner nos énergies, c'est ça suffit. C'est-à-dire on arrête de faire comme si les choses pouvaient continuer leur petit bonhomme de chemin et voilà, il faut, mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Et ce yabasta, bon, il peut avoir plusieurs significations. On est dans un cadre plus spécifiquement mexicain, latino-américain, mais aussi effectivement planétaire, parce que il est apparu comme un des premiers moments un des premiers moments de soulèvement contre la chape de plomb néolibérale. Et bon, en ce sens, le milieu des années 95 marque un peu un revirement après l'écrasement de la toute-puissance néolibérale dans les années 80 et encore au début des années 90. Et bon, après, on a les grèves de 95 en France, on a Seattle, le mouvement altermondialiste, etc. Mais bon, voilà, un des premiers moments de cette reprise d'une conscience critique et d'une pratique critique et d'une capacité à se dire qu'effectivement... On ne peut pas faire autre chose que dire non à l'hégémonie des politiques néolibérales. Il s'est joué en partie à ce moment du 1er janvier 1994. Alors, est-ce que les apatistes s'intéressent aux résistances et aux luttes qui peuvent avoir lieu ailleurs dans le monde? Évidemment que la réponse est oui. D'abord, les apatistes, pour situer un peu, ils sont... leur territoire. Donc c'est une lutte territorialisée, c'est une lutte qui est ancrée dans une réalité spécifique de plusieurs peuples indiens mayas, qui sont dans leur territoire au Chiapas et donc qui ont développé tout ce dont j'ai fait, auquel j'ai fait rapidement allusion, encore une fois dans un territoire qui est à peu près la dimension de la Belgique. Donc c'est quand même pas trois villages perdus dans les montagnes, c'est quand même une organisation qui a une certaine ampleur. Par ailleurs, ils sont évidemment directement liés à de très nombreuses luttes au Mexique. Ils ont contribué à créer, ils participent au Congrès national indien au Mexique qui rassemble des luttes indiennes de la cinquantaine de peuples indiens qui existent au Mexique et qui ont chacun leur terrain de lutte, ici contre un aqueduc, ici contre un projet touristique, ailleurs contre des mines, etc., etc., qui... tous ces projets venant détruire leur territoire et leurs conditions de vie. Et donc l'unité de ces... Et donc les apatistes sont attachés et luttent quotidiennement pour renforcer les liens et la capacité d'association et de lutte commune de toutes ces luttes indiennes. Mais au-delà aussi, ils s'intéressent évidemment aux luttes non indiennes, des populations paysannes et urbaines. Et à ce titre-là, il faut signaler toutes les rencontres que j'ai évoquées, et il y en a maintenant à peu près au moins une par an, ce sont des rencontres internationales que les apatistes conçoivent comme des lieux de rencontres et de discussions, d'échanges, d'expériences, de réflexions collectives au niveau planétaire. Leur perspective, ce n'est pas de transformer le Chiapas. Même s'il faut commencer par une lutte territorialisée, leur projet, ça n'est pas seulement de changer le Chiapas, ça n'est pas seulement de changer le Mexique, c'est de transformer la réalité au niveau mondial. Donc leur projet politique, et ils l'ont expliqué dans ces différentes rencontres, c'est la proposition de constituer ce qu'ils ont appelé la Sexta, en référence à la sixième déclaration de la forêt Lacandon, qui... date de 2003, mais qui a été reformulée en 2012-2013. Et donc l'objectif fondamental, c'est la création, l'activation d'un réseau planétaire de lutte et de résistance. Alors il y a d'autres propositions, et personne n'a le monopole de ce genre de propositions, mais les apatistes, leur préoccupation permanente, c'est de contribuer à leur manière, à leur échelle, avec leurs possibilités, avec l'aide de tous ceux que cette expérience intéresse, à l'activation de ce type de réseau. Et ce qu'ils font concrètement, c'est, encore une fois, une des choses qu'ils font, c'est, à part de donner à tous à méditer leur expérience, dont il souligne évidemment que ce n'est pas du tout un modèle, ce n'est pas reproductible parce qu'il y a des conditions spécifiques, et dans le monde qu'on veut créer, il n'y aura jamais un monde unique, hein, il n'y aura jamais qu'une multiplicité de mondes. Hein. Alors, une des phrases apatistes, c'est « nous voulons un monde dans lequel il y ait place pour de nombreux mondes », donc ils n'ont pas à faire valoir un modèle, évidemment, mais simplement une expérience qui est un point d'appui pour la réflexion. Et donc, ce qu'ils font aussi concrètement, c'est d'organiser des rencontres. Il y a eu aussi, fin 2014, le Festival mondial des résistances et des rébellions, où sont allés des milliers de gens de dizaines et dizaines de pays d'Amérique, de tous les continents. Donc voilà, de créer des espaces de rencontres où les luttes urbaines, rurales, européennes, latino-américaine, etc., se rencontrent, et voilà, en espérant que ces rencontres et cette interconnaissance contribuent à tisser ces réseaux de lutte planétaire. Voilà, il y a des réactions, des questions. Voilà, je vais commencer là. Merci beaucoup, merci de ton intervention. Parmi tous les thèmes que tu abordes, il y en a trois qui paraissent importants, mais encore une fois parmi d'autres, et sur lesquels peut-être tu pourrais revenir, enfin c'est ma question. Le premier, c'est la question du décloisonnement, enfin une espèce de ce que tu as appelé, je crois tout à l'heure, des spécialisations qui permettent justement des partages, des mises en commun, le refus de la mise en concurrence, de la compétition de tous avec tous. Par exemple, je crois avoir compris en te lisant, puis en lisant d'autres textes sur le zapatisme, que même si tu évoquais les enseignants, mais visiblement, il n'y a pas simplement une éducation qui serait circonscrite au périmètre de l'école, mais qu'en tout cas, dans ces écoles, il n'y a pas que des intervenants professionnels qui seraient des enseignants qui sont présents. Et donc, ça veut dire que, tu nous diras ça, hein, que en fait, les enfants apprennent tout aussi bien à fabriquer des petits objets, voilà, des objets que de la vie quotidienne, que des mathématiques, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous, notamment dans le cadre de Nuit Debout et des mobilisations en cours. C'est justement la perspective d'une société où tout un chacun aurait des savoirs multiples et à partager. La deuxième chose, c'est évidemment très important, c'est le rapport à la décision. Tu en as dit quelques mots. En fait, est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme de pouvoir, ou est-ce que le mot même de pouvoir mérite d'être radicalement remis en cause dans la mesure où il y a une manière de prendre des décisions collectives et puis des responsabilités qui sont tournantes? Et le troisième thème, c'est tout ce qui touche au rapport au temps. Enfin, un certain rapport au temps, un temps de qualité, un temps qui serait différent, une société où on prendrait davantage le temps. On aurait un certain rapport aussi à l'enfance. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et encore une fois, ça nous dit beaucoup de ce à quoi on pourrait aspirer, nous, aujourd'hui. Tu veux réagir tout de suite ou on regroupe ou... Merci. Merci beaucoup pour ton intervention passionnante. C'était donc sur le même sujet, sur la première des trois thématiques de Qu'est-ce qui c'est Ludivine, sur l'éducation. Quand tu as dit que les enseignants, par exemple, pouvaient, en échange de leur enseignement, au lieu d'être payés, il pouvait y avoir des gens qui s'occupaient de leur donner des légumes, qui faisaient s'occuper de leur champ, etc. J'ai été un peu gêné parce que je me demandais du coup ce que ça veut dire si on reconduit une division des savoirs entre théorique et pratique. Ou pas. Donc voilà, je voulais savoir un peu plus là-dessus, quoi. Ouais, une question rapidement. Comment cela fait-il que l'armée mexicaine se laisse faire ce qui se passe là par rapport à ce mouvement-là, alors qu'on sait que l'armée mexicaine, c'est une des armées les plus répressives au monde, d'une part, d'autre part. Comment dirais-je, j'ai perdu le fil. Est-ce que vous pensez que cette récupération ou ce mode de vie qui est en cours, qui date depuis pas mal des années là, est-ce que vous pensez que c'est irréversible ou c'est quelque chose qui peut être remis en cause un jour ou l'autre par les États mexicains? Du coup, dernière question et puis il va répondre. Bonjour, tu parlais qu'il y avait des rencontres, est-ce que c'est chaque année et est-ce que cette année il y a une date ou est-ce qu'on pourrait avoir des dates? Voilà, ça fait beaucoup. Les dates, alors il y a une rencontre sur les arts du 17 au 30 juillet, là, 2016. Et une rencontre sur les sciences, alors les sciences, tout, voilà, du 24 décembre au premier jour de janvier, voilà, en gros. Voilà. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Oui, alors le site de l'EZN, c'est Enlace Zapatiste, hein. Enlace Zapatiste avec E-N-L-A-C-E, Zapatista. Voilà, donc il y a, c'est en espagnol, mais avec des traductions françaises. Alors, comment ça se fait? Il y a beaucoup de questions. Comment ça se fait que l'armée mexicaine n'ait pas détruit cette expérience? Ils ont essayé. Il y a eu des combats en 1994. L'armée mexicaine fédérale a fait une intervention militaire surprise en février 95, dont le but était de capturer, d'assassiner tous les dirigeants zapatistes, enfin le plus de zapatistes possible, ils ont échoué. Et évidemment, il y a un milieu favorable qui est celui de la forêt tropicale, dans lequel les zapatistes sont à même de se cacher. Donc l'intervention militaire fédérale, avec tous les moyens, hein, a échoué. Donc voilà, on ne va pas se faire payer le ridicule de recommencer et d'échouer une nouvelle fois. Ensuite, il y a eu une stratégie de paramilitarisation mise en place dans les années 90-95 jusqu'à l'an 2000, qui a provoqué des dizaines de milliers de déplacés, des massacres, le massacre d'Acteal, 45 morts en décembre 97, pour détruire la base des communautés zapatistes. Alors ça a porté ses fruits parce que ça c'est des coups extrêmement violents, mais ça n'a pas suffi à mettre un terme à la résistance des zapatistes. Et ensuite il y a eu d'autres politiques de l'État mexicain qui s'emploie à chercher à détruire par différentes méthodes cette expérience. Bon, simplement, ils n'ont pas réussi. Alors, est-ce que c'est irréversible? Non, évidemment, ce n'est pas irréversible. Tout ça se construit. Alors, il faut quand même insister. Enfin, tout ce que j'ai dit, ça a l'air facile comme ça à dire, mais je veux dire, c'est un effort de construction collective, absolument colossal. Dans un contexte matériellement extrêmement difficile et dans un contexte politiquement adverse, hostile en permanence. Donc il y a des communautés qui sont agressées en permanence. Il y a deux ans exactement, en mai 2014, il y a eu une attaque paramilitaire contre la Realidad, qui est un des bastions zapatistes, et il y a eu un des responsables zapatistes qui a été assassiné. Et donc voilà, donc cette violence contre cette expérience, elle est permanente. Donc voilà, donc tout ça est extrêmement fragile. Et peut-être que si on le rapporte à notre manière, notre soutien, si on essaye de contribuer à faire que cette expérience, malgré toute cette difficulté, continue à avancer et à prospérer, bah, peut-être que c'est bon aussi pour eux et pour notre morale aussi à nous. Voilà, alors il y a beaucoup les trois questions. Alors sur l'éducation. C'est facile à dire. Les zapatistes, ils ont construit vraiment un système éducatif avec des centaines d'écoles primaires et secondaires à partir de rien. Ça veut dire qu'ils ont construit leur projet pédagogique, ils ont formé les gens qui enseignent dans ces écoles, ils ont décidé de ce que c'était que pour eux l'éducation. Et voilà, ils ont fait ça en dehors de toutes les institutions, en dehors de toutes les structures. Et c'est pas rien, c'est un effort absolument. Bon. Alors comment ça se passe? Mais oui, il y a quand même des gens qui ont cette fonction d'être des enseignants. Donc ils appellent ça des promotores d'éducation, des promoteurs d'éducation, mais bon, en français ça fait pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai dit des enseignants. Mais bon, c'est des gens qui se sont formés collectivement et qui assument effectivement généralement collectivement cette tâche. De l'enseignement scolaire des enfants des communautés au niveau primaire et secondaire. Donc ils ont quand même une tâche particulière. Donc c'est pas une forme d'éducation entièrement déscolarisée. Y a beaucoup de disciples d'Illich au Mexique, mais c'est pas une éducation illichienne. C'est une éducation scolarisée. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, peut-être ça changera parce que tout change avec les zapatistes, il n'y a rien de figé. Mais donc il y a des gens qui ont cette responsabilité-là. Mais y a une dimension quand même beaucoup moins spécialisée que chez nous. D'abord parce que la plupart de ceux qui sont enseignants, alors bon, l'accord c'est que la communauté prend en charge leurs besoins, c'est normal. Eux, ils se chargent de quelque chose de spécifique et voilà, en échange, la communauté fait pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais en réalité, la plupart continuent à être paysans, à vivre dans les communautés comme les autres, à avoir à peu près. Voilà. Donc c'est une spécialisation relative. Et du coup, aussi la part d'éducation non scolaire dans la formation des enfants est évidemment beaucoup plus grande parce que les enfants très jeunes participent même s'ils vont à l'école Voilà, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'aller à l'école et de continuer à travailler, d'aider la famille dans le travail des champs, dans la récolte du café. D'ailleurs, un point qui est très important de ce point de vue-là, c'est que le calendrier scolaire des écoles autonomes, il est coordonné avec le calendrier agricole. Donc les cours sont suspendus au moment de la récolte du café, qui est un moment où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre de toute la famille pour récolter les grains de café qu'on va ensuite moudre dans nos machines ici. Quand on achète du café, parce qu'on peut acheter du café zapatiste un peu partout en Europe et notamment à Paris. Voilà, donc tout est voilà, tout, c'est organisé aussi pour permettre cette non-spécialisation partielle. Et les enfants très jeunes assistent, puis participent, en tout cas à partir de 14 ans, aux assemblées communautaires par exemple. Et ils sont évidemment très impliqués dans la lutte zapatiste. Donc pour eux, il y a aussi une continuité entre l'éducation qui est enracinée dans la construction de l'autonomie, dans le projet politique zapatiste, et la participation concrète à cette vie politique collective. Première, deuxième question, alors la prise de décision. Alors je crois qu'on a plus beaucoup de temps, hein, donc je ne peux pas décrire exactement le système assez compliqué d'élaboration des décisions collectives. Je pense que le fond de la question, c'était un peu peut-être le débat qui peut survenir ici ou là entre horizontalisme et verticalité, par exemple. C'était peut-être ça, non, le si je décrypte, voilà, oui. Alors effectivement, et là, il y a matière à réflexion intéressante, à mon avis. Donc, par exemple, chez les zapatistes, il y a effectivement une pratique des assemblées. Alors cette pratique, elle est en partie traditionnelle, par exemple au niveau de la communauté, c'est-à-dire du village, où le fait de se réunir pour prendre une décision collective fait partie d'une longue tradition, une tradition qui n'est jamais immobile, qui se reformule en permanence. Mais il le développe aussi à d'autres niveaux qui n'ont aucune existence traditionnelle, par exemple, au niveau des régions, c'est-à-dire là où les conseils de bon gouvernement, les juntas de buen gobierno, coordonnent l'action des communes autonomes. Hein. Donc, je répète, puisqu'il y a la commune, la communauté, la commune et la région avec la junta de buen gobierno, mais il y a aussi une assemblée au niveau de la zone à laquelle la junta de buen gobierno doit en référer pour prendre des décisions importantes. Mais si cette assemblée n'est pas d'accord, s'il y a des questions qui restent en suspens, qui ne peuvent pas être tranchées, cette assemblée va transmettre le problème en suspens à l'ensemble des assemblées. C'est-à-dire le problème doit redescendre au niveau des villages et doit être rediscuté au niveau de chaque assemblée de village, et qui va donc ensuite faire remonter les propositions, etc., à l'assemblée de zone où on va rediscuter pour essayer de formuler un projet qui est susceptible d'être adopté collectivement. Donc voilà, fonctionnement d'assemblée, donc on va dire horizontal, mais il y a aussi des instances dans lesquelles il y a des délégués, les membres des conseils des conseils communaux et des conseils de bon gouvernement. Et ceux-là, effectivement, ils ont un rôle particulier. Et donc là, on peut dire que c'est une certaine forme de... Alors, est-ce qu'il faut parler de verticalité ou est-ce qu'il faut parler ici d'un pivot qui va permettre de structurer cette horizontalité? C'est peut-être préférable. Voilà, mais en tout cas, le modèle qui nous donne à réfléchir, enfin, non pas le modèle, mais enfin l'exemple qui nous donne à réfléchir, c'est certainement pas celui d'une horizontalité absolue où tout se déciderait dans l'horizontalité d'une assemblée commune. Voilà. Et en plus, ah oui, les mandats évidemment de ceux qui sont dans les, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, donc dans les conseils municipaux ou dans le conseil de bon gouvernement, bon, c'est des charges électives, non rémunérées, aucun avantage personnel, révocables à tout moment, c'est évidemment fondamental. Et exercer de manière collective. Il n'y a jamais de spécialisation, que même s'il y en a un qui a le titre de l'équivalent de maire, par exemple, etc., en fait, ils prennent toujours les décisions de manière collective. Et donc, en fait, ces charges, le point fondamental, c'est que personne n'a vraiment très envie de les exercer. C'est vraiment une charge. Et en fait, il faut plutôt aller chercher les gens. Pour, bah, voilà, bon. Parce que l'idée, c'est que tout le monde va passer au bout d'un moment. D'abord, en plus, il y a beaucoup de charges collectives. Il y a, l'organisation collective, ça demande effectivement beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup de disponibilité. C'est aussi un des problèmes. Mais ça ne peut pas fonctionner autrement. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde va y passer. Voilà. Avec aussi cette conclusion, avec aussi cette particularité, que évidemment c'est pas au titre d'une, et c'est la question de la non spécialisation, c'est pas au titre d'une capacité personnelle spécifique, hein, ou d'une compétence personnelle spécifique que on va être choisi, ce qui fait quand même une grosse différence par rapport aux habitudes de ce qu'on appelle ici la démocratie. Bon, et du coup, indépendamment des différents types de fonctionnement, si on est élu à quelque chose, c'est parce qu'on a fait valoir qu'on est particulièrement compétent. Et donc là, dans un système où tout le monde y passe, bah, ce n'est pas le cas. Et effectivement, il se produit très souvent que ceux qui ont été choisis par les communautés, les communes ou les régions pour exercer une charge n'ont pas particulièrement envie et s'en sentent plutôt incapables. Et donc font état de leur non-capacité, de leur non-capacité, du fait qu'ils ne savent pas. Et donc ils disent, ben voilà, et ça, vous avez, dans les il y a des témoignages, hein, des gens qui ont fait partie de ces conseils, ben on ne sait pas, on est arrivé, on nous a nommé, mais on n'a aucune idée de, voilà. Alors après, comment on fait? Ben, dans les conseils, il y en a quand même toujours certains qui ont un peu plus d'expérience, il y a des gens qui sont des hommes et des femmes qui sont très jeunes, et donc ils disent, ben, si on ne sait pas, justement, ben, on doit demander à la communauté. C'est la communauté, c'est le peuple qui va nous dire ce qu'on doit faire. Voilà. Donc assumer la non compétence. Voilà. Et bon, ça peut nous demander à nous un certain travail, quoi. C'est encore une fois, c'est facile à dire, mais voilà, dans le concret de la pratique, c'est pas évident. Voilà. Et bon, donc articulation de horizontalité et verticalité, pour beaucoup de raisons, je crois que c'est un peu ce qui nous donne à penser. Et puis le temps, alors évidemment, on pourrait en parler aussi longtemps, en prenant notre temps de parler de cette question du temps, mais le temps nous dit que le temps de l'horloge, là, nous dit que c'est fini. Alors évidemment aussi, ce qui, en si peu de temps, c'est difficile de faire... sentir qu'on est aussi dans un autre monde du point de vue culturel, du point de vue de l'expérience collective. Et c'est aussi un des points très importants sur lesquels l'expérience zapatiste peut aussi nous faire réfléchir. Voilà, c'est pas le monde de notre modernité pressée et stressée et avec bon, tous les arrière-plans et tous les fondements des sociétés modernes dans lesquelles nous vivons. Donc voilà, et de ce point de vue-là, effectivement, la question du temps et la manière de vivre le temps est complètement différente. Ce qui renvoie aussi à la question, d'une certaine manière, de la non-compétence et de la non-efficacité. Parce que ces formes de gouvernement autonome non étatique, c'est ma manière de les caractériser, elles seraient effectivement certainement totalement inefficaces au regard des critères de la rentabilité, de l'efficacité qui dominent dans notre monde occidental. Parce que tout ça est très long, effectivement, aussi. Prendre des décisions de la manière dont j'ai résumé, ça prend beaucoup de temps. Mais pour eux, c'est la condition pour que ces décisions soient assumées collectivement et soient considérées comme des décisions véritablement collectives, à la mise en œuvre desquelles chacun va chercher à contribuer parce qu'il la considère comme ses propres décisions. Ce qui fait un peu la différence avec des décisions politiques prises par un système qui nous semble effectivement totalement extérieur. Et évidemment, ce système de prise de décision, d'élaboration des décisions, il serait aussi totalement inefficace pour régler les problèmes qui se posent au monde capitaliste tel qu'il est organisé parce que ces problèmes sont insolubles. Voilà. Donc il n'a de sens que si on cherche à penser comment organiser collectivement une réalité qui est fondamentalement différente, c'est-à-dire fondamentalement libérée des formes d'organisation capitaliste et marchande que nous avons à subir encore jusqu'à présent. Merci pour cette intervention. Peut-être une dernière question, une dernière réaction, quelqu'un qui voudrait dire quelque chose ? Concernant les délégués, est-ce qu'ils sont élus et pour combien de temps ? Et voilà, c'est la seule question. Oui, alors c'est électif. En général, c'est des mandats de 2 à 3 ans. Donc il y a 5 régions, 5 zones au Chiapas. Donc chacune a son conseil de bon gouvernement. Et par contre, ils ne se coordonnent pas entre eux. Bon, ils font tous partie de l'EZLN, hein, de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, bien que ce soit des instances civiles. Hein, l'autonomie, c'est une construction civile à côté de l'organisation de l'EZLN. Mais donc ces 5 zones, ces 5 régions sont même autonomes les unes des autres. Donc il y a des modes de fonctionnement qui sont différents. Donc selon les cas, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Et voilà, le mode d'élection, il peut être aussi différent. Ils n'ont pas recours au tirage au sort, mais bon, à une forme d'élection qui se passe au niveau des communautés ou des communes pour décider des délégués qui vont être envoyés notamment au Conseil de bon gouvernement. Avec une petite particularité aussi qui est très importante, c'est que donc les membres des conseils de bon gouvernement sont élus pour 2 ans ou 3 ans. Mais ils sont en fait, ils nomment plusieurs équipes et donc ils se relaient à tour de rôle tous les 15 jours ou 10 jours ou 20 jours, ça dépend. C'est-à-dire qu'une première équipe va dans le lieu où siège le conseil de bon gouvernement, siège là pendant 15 jours et ensuite ils laissent leur place à une autre équipe pendant à nouveau 15 jours. Ce qui leur permet pendant cette quinzaine de rentrer dans leur village, parce que les territoires sont très grands et ça peut être très loin d'un village au centre au centre régional. Et donc ils reviennent dans leur village, et ce qui leur permet de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leur terre. Et donc ça, c'est un point très important justement pour la non-spécialisation des tâches politiques. Donc on ne va même pas laisser quelqu'un, un élu, un délégué, avoir une charge pendant 3 ans. Même si pendant ces 3 ans, il est extrêmement contrôlé, il est en interaction permanente avec des assemblées à différents niveaux, s'il est révocable à tout moment, il ne va pas exercer cette fonction pendant 3 ans de manière continue, parce qu'il considère que ça, c'est un risque déjà trop grand, que pendant ces 3 ans, il commence à avoir peut-être une manière de voir ou une manière de vivre qui se détacherait du quotidien, de la vie commune dans les villages. Donc voilà, ils reviennent tous les 15 jours, une autre équipe vient à leur place et puis ensuite ils reviennent à nouveau, etc. Voilà, donc tout ça, c'est des petites choses, mais qui sont justement des inventions modestes, mais concrètes pour lutter contre une possible séparation entre les gouvernants et ceux qui ont... Ils ne sont pas des gouvernants comme ça ad aeternam, ils le sont pour très peu de temps, mais pendant ce temps-là, ils ont cette fonction qui est différente de celle qu'ont les autres membres des villages et des territoires zapatistes. Bon, ben merci pour cette intervention en tout cas. À vous. Ah, ok. Non, c'était une petite question. D'après ce que je comprends, au Chiapas, tout le monde n'est pas zapatiste. Donc il y a une coexistence de communes zapatistes, de communes non zapatistes qui défendent de l'État, qui dépendent de l'État, et en même temps, il y a des communes où il y a à la fois des zapatistes et des non zapatistes. Alors comment se passe cette coexistence entre guillemets ? Est-ce que les zapatistes essayent de convaincre les non zapatistes et vice-versa ? Et la dernière question, c'est est-ce que le nombre de zapatistes augmente ? Ou est-ce qu'il recule, ou est-ce que c'est un mouvement qui se développe dans la région, à défaut de se développer au Mexique ou à l'international? est-ce qu'ils se développent dans la région en puissance, en nombre et en force? Alors effectivement, c'est important de préciser, je n'ai pas eu le temps de le faire, que dans ces territoires zapatistes, il y a des zapatistes et des non-zapatistes. Ah, donc une autre question assez difficile, c'est la coexistence, parce que dans les mêmes villages, hein, parfois, il y a des zapatistes et des non-zapatistes. Et donc il y a en parallèle des autorités officielles, constitutionnelles, et des autorités autonomes. Donc ils se partagent l'organisation des mêmes territoires, mais pas des mêmes personnes, puisque chacun sait s'il se considère comme affilié aux autorités officielles constitutionnelles mexicaines ou aux autorités autonomes. Voilà. Et donc comment ça se passe la cohabitation? La plupart du temps ça se passe bien. Mais pas toujours, et en particulier quand le gouvernement mexicain ou celui de l'État du Chiapas met son nez, ce qu'il essaye de faire quand même assez souvent, c'est évidemment, ça ne vous surprendra pas, pour plutôt essayer de semer la zizanie et créer des conflits qu'on fera ensuite passer pour des conflits intercommunautaires. Et donc on dira, vous voyez, ces Indiens en dehors de l'État, c'est le chaos, ils ne savent pas s'organiser, donc il faut imposer l'autorité de l'État pour ramener la paix civile. Voilà. Mais donc les zapatistes, au contraire, on peut dire qu'ils ont une forme de respect pour les non-zapatistes qui sont du coup organisés sous l'égide des partis politiques, puisque du coup les autres autorités, elles sont élues selon le système en vigueur selon la constitution mexicaine, et donc dans le cadre d'élections avec donc des candidats qui sont nécessairement présentés par les différents partis politiques qui se disputent la scène politique mexicaine. Voilà. Donc c'est un élément de difficulté quand même supplémentaire qu'il faut ajouter à ce panorama. Alors est-ce que ça progresse ou est-ce que ça progresse pas? Il n'y a pas d'évaluation, c'est difficile à dire. On peut dire que, pour essayer d'être honnête, il faut dire que les politiques de gouvernement, évidemment, s'emploient à faire sortir les zapatistes de l'organisation de l'autonomie en essayant de les attirer par des projets, par des dons, des projets financés, mais qui en général sont financés en mettant à la clé le fait d'agresser les zapatistes, en leur disant, ben voilà, on vous donne de l'argent pour des projets productifs, mais vous n'avez pas de terres, mais allez prendre les terres des zapatistes qui sont là, qu'ils ont récupérées en 94, mais qui ne sont pas légalisées, puisqu'il n'y a jamais eu d'accord de paix et donc de résolution du conflit armé de 94. Donc c'est un élément qui engendre des conflits entre zapatistes et non-zapatistes. Donc d'un côté, il y a ça. Et d'un autre côté, il y a aussi... d'abord, il y a des jeunes générations zapatistes. Effectivement, l'élément le plus prometteur et encourageant, c'est qu'il y a une nouvelle génération de zapatistes qui sont... donc les jeunes zapatistes, hommes et femmes, qui sont nés autour de 94, et donc qui ont grandi dans l'autonomie, qui ont grandi dans les écoles autonomes zapatistes, donc qui sont vraiment imprégnés de ce projet politique d'une manière différente de celle de leurs aînés, qui avaient construit le soulèvement armé. Hein, rappelons qu'il a fallu quand même 10 ans pour construire ce soulèvement armé qui a permis d'ouvrir l'espace dans lequel tout ce dont on a parlé s'est développé. Et donc cette nouvelle génération, plus aussi des communautés au Chiapas qui se rendent compte de manière de plus en plus nombreuse des effets des politiques gouvernementales, et en particulier de la disparition programmée, selon les nouvelles lois néolibérales, des terres communautaires, des terres communales ou ejidales. Donc il y a beaucoup de communautés qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont signé à un certain moment des documents qui enclenchaient cette dynamique de transformation des terres ejidales en terres de propriété privée, sans toujours avoir mesuré les conséquences de ces processus, et qui maintenant se rendent compte des conséquences et qui aimeraient bien revenir en arrière s'aperçoivent que dans le cadre légal proposé par le gouvernement, c'est impossible, et qui du coup ont tendance à se tourner vers les zapatistes en disant, mais voilà, est-ce que Est-ce qu'avec vous, on ne pourrait pas quand même continuer à utiliser nos terres communales et fidales comme on le faisait auparavant? Parce que maintenant, on se rend compte de ce que signifient vraiment ces processus de mise en place de ces réformes néolibérales. Voilà, donc. Bon, voilà, merci. Ce sera la fin. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours venir vers nous. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des idées, si vous avez envie de proposer un sujet, un débat, quoi que ce soit. Venez nous voir, on en discute et puis on voit ça ensemble. Et puis voilà. Et on va faire passer la boîte à dons. Pareil, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez. On est ouvert à toute proposition, bien évidemment. Simplement, donc oui, on fait tourner une boîte à dons. Ça nous permet en fait d'acheter tout ce qui est matériel, la sono, les micros, les cordes, mettre une bâche pour quand il pleut. Voilà. Donc merci pour vos dons. N'hésitez pas à venir proposer vos interventions s'il y a un sujet que vous voulez aborder, une pratique, une pensée, une passion. Voilà, vous avez vraiment aucun sujet qui ne peut pas être abordé ici. N'hésitez pas à venir si vous voulez faire partie de l'organisation pour nous filer un coup de main, il n'y a jamais assez de bras. Et on va passer à la prochaine intervention avec Emmanuel qui vient nous parler du conspirationnisme. Donc n'hésitez pas à vous avancer, à vous asseoir, à vous approcher.